c'est fou comme à l'asile. Bonjour et bienvenue à CNX.C, l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, bien, on va compresser les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage requis. Et là, c'est la semaine du 22 février qu'on compresse tout ça ensemble. Il va y avoir le fil et nos amis les robots. Ça va être super le fun. On va aussi avoir de la musique de jeux vidéo, évidemment, et la suite de notre série en concert. Et c'est d'ailleurs ce qui va commencer l'émission. Notre série en concert qui se nomme The Mario Opera Act 1 par Jonathan Mann, que vous connaissez peut-être sous le nom de Game Jew. C'est aussi celui qui écrit une chanson par jour sur son site rockcookiebottom.com. C'est toujours drôle, c'est toujours frivole, je dirais, superflu par moment. Hein? On va écouter la pièce numéro 3 de l'opéra de Mario Act 1. La pièce s'appelle Chorus Back and Forth, tout de suite à CNX.zip sur les ondes du 89 FM. C'est fou! Says I don't know what they expect for me to do. If it's a fight they want, well, it's five against two. They look to me like I'm some kind of hero. I'm not, I'm just a man. But I feel something inside me, a wire being crossed. I've got to protect the princess at all costs. Premonition I have way deep in my soul, although I don't fully understand. Jonathan Mann et la pièce Chorus Back and Forth, c'est la troisième pièce de l'opéra Mario, qui s'appelle The Mario Opera Act 1. Jonathan Mann, tellement génial. Sérieusement, je capote pas mal sur cet opéra-là, je trouve ça génial. Vous êtes à CNX.zip, où on compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis, et on commence par la chronique de mardi. Voici le fil. Mardi. Ça, c'est le son de moi en train de lancer ma canne à pêche dans le marais des nouvelles geeks et technologiques de la semaine. C'est ça le bruit, là. C'est comme... Je la ramasse, puis comme... Wow. Donc aujourd'hui, le fil, c'est-à-dire les nouvelles geeks. Commençons avec des réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, c'est de ça qu'on parle. Une étude menée aux États-Unis par Ruder Finn, l'une des agences de relations publiques les plus importantes du monde, indique que le mobile serait devenu une plateforme plus appropriée et populaire pour faire du réseautage que l'ordinateur de bureau, le PC. En effet, 91% des Américains interrogés disent naviguer sur leur cellulaire dans le but d'entretenir leur réseau social, par comparaison à 79% des utilisateurs d'ordinateurs de bureau qui y vont pour cette raison. Les Américains passent une moyenne de 3 heures par jour à consulter Internet depuis leur cellulaire. 72% des détenteurs de cellulaire l'utilisent pour poster des messages instantanés. 58% transfèrent des messages. 45% d'entre eux postent des messages sur les réseaux sociaux. 43% se connectent à leurs amis via leurs réseaux sociaux. 40% partagent du contenu avec les autres. Et 38% partagent des photos sur ces réseaux sociaux-là. Plusieurs facteurs sont susceptibles d'expliquer la popularité des mobiles pour garder un contact virtuel avec ses amis ou relations. Par exemple, le mobile est beaucoup plus adapté à un mode de vie actif que l'ordinateur de bureau. Tandis que l'internaute doit prévoir ou prendre le temps de s'installer devant son ordinateur, le téléphone offre davantage de liberté. Ça dit aussi que l'utilisateur d'un cellulaire peut mettre à jour son statut Facebook tout en s'adonnant à des activités à l'extérieur de la maison ou du bureau. C'est un article de Branchez-vous. T'as pas de cellulaire, toi, Kiwan? Non. Et tu utilises les réseaux sociaux sur ton ordinateur de bureau? Eh oui. Ben pas au bureau parce que tu travailles dans un camion. Donc j'ai pas une vie active, donc si on en conclut là. Non, t'as une vie active, mais tu ne combines pas ta vie active d'extérieur à ta vie active technologique. Non, de toute façon je trouve que ça va pas ensemble. Donc même si j'avais un iPhone, je mettrais pas plus régulièrement mon profil à jour. Restons dans les réseaux sociaux un peu, Kiwan. T'as peut-être entendu parler de la grosse nouvelle. Selon un article de l'agence France-Presse, les adeptes de Twitter envoie 50 millions de messages par jour, des tweets, soit une moyenne de 600 de ces mini-messages de moins de 140 caractères par seconde. Wow! 600 par seconde. Non, ouais, ouais, 600 messages de moins de 140 caractères par seconde. Donc, 600 messages par seconde, mais ces messages-là comprennent 140 caractères et moins. C'est le but de Twitter. Kevin Wilde, un responsable de Twitter, a indiqué sur le blog du groupe que les utilisateurs étaient passés de 5000 messages par jour en 2007 à 300 000 en 2008, puis à 2,5 millions par jour en 2009. Et je cite, « Les tweets ont augmenté de 1400% l'an dernier à 35 millions par jour. Aujourd'hui, on recense 50 millions de tweets par jour, soit une moyenne de 600 par seconde. » Le responsable a précisé que le chiffre de 50 millions de tweets sur le site gratuit ne tenait pas compte des messages identifiés comme des pourriels ou du spam. Le groupe basé à San Francisco en activité depuis août 2006 ne divulgue pas le nombre de ses abonnés. T'as pas Twitter, toi? Non. Non. Est-ce que tu comprends Twitter? Ben oui. Est-ce que tu aimes le principe? Non. Non, pourquoi? Ben, c'est un peu le côté qui m'agace dans Facebook, là, le fait de mettre à jour tout le temps, le plus souvent possible, toutes tes activités. Puis c'est la moindre chose sur... Inutile. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'aime mieux Twitter pour lire les statuts des autres que pour les poster moi-même. J'en poste pas vraiment, à part des messages de d'autres que je renvoie. Ben, tu vois, même ça, même lire le message des autres, non, mais... Moi, c'est l'aspect curieux, comme, tu vois ce que les gens que tu suis à la télé ou à la radio, peu importe, tu peux savoir qu'est-ce qu'ils font, tu vois peut-être des photos backstage, des trucs comme ça, je trouve ça intéressant. Ben, tu sais, c'est sûr que ça peut être une source d'information, tu sais, pour, tu sais, comme nous, on travaille... Dans les médias, c'est ça, donc... Ça se qualifie pas vraiment comme des médias, ce qu'on fait ici, non, c'est ça, mais tu sais, pour quelqu'un qui a absolument besoin d'informations, puis tu sais, qui a vraiment dans sa liste de tweets, des personnes qui sont susceptibles de fournir des informations pertinentes, tu sais. Oui, ok, mais moi, je trouve ça... non, je trouve que c'est trop. Mais tu sais, je suis pas en même temps, là, je veux pas avoir l'air de la personne qui a le discours d'être fondamentalement contre les réseaux sociaux. Par principe, non, non, c'est ça, c'est pas ça, là. Je suis pas contre ça à tout prix, c'est juste que je trouve qu'il y a une limite. Puis en tout cas, c'est dans la nature des gens, tu sais. Ouais. Quand t'es quelqu'un qui aime ça, tu sais, connaître les détails de tout, surtout, tu sais... C'est un défaut comme un autre. Ben, tu sais, je dis pas que c'est un défaut, c'est juste que c'est un trait de caractère. Moi, je suis pas comme ça, je suis très solitaire et sauvage. Donc, voilà. C'est tellement bien dit. Restons dans le domaine du Twitter. Hein, le Dalai Lama qui a rejoint la communauté des micro-blogueurs en ouvrant son propre compte Twitter, Tweetybird, suivi par tellement de milliers d'internautes, 60 000 à l'intérieur des 24 heures après sa création. Le compte du Dalai Lama, qui est twitter.com/Dalai Lama, a été ouvert lundi, qui vient tout juste d'arriver, donc hier, le 22. Au lendemain d'une rencontre à Los Angeles entre le chef spirituel des Tibétains en exil et l'un des fondateurs du site de microblog Evan Williams. Et je cite, « J'ai rencontré le Dalai Lama aujourd'hui à Los Angeles. Lui est conseiller d'utiliser Twitter. Il a ri. » C'est ce qu'a commenté après la rencontre Monsieur Williams là sur son compte Twitter. La page Dalai Lama ne comptait mardi que 7 tweets, 6 mini-messages. Hein, bon, le chef spirituel ne s'y explique. Vas-y, qui va. T'as-tu des exemples? Ben allons-y, oui, des exemples. T'en veux des exemples? Moi, t'en donner des exemples. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que le Dalai Lama peut poster sur son compte Twitter. Ça dit, ouais, j'ai de la misère avec certains mots, par exemple, His Holiness, donc sa majesté, le Dalai Lama, honoré avec le prix, la médaille du service démocratique, blablabla, lien vidéo. L'autre lien vers un clip d'une entrevue avec Larry King, photo, visite à Los Angeles. C'est des affaires, ça a l'air d'être pas automatisé, mais tu sais, on dirait que c'est comme un stagiaire qui prend des vidéos, des photos et envoie ça. C'est pas très pertinent. C'est pas des phrases, tu sais, que le Dalai Lama aurait dit qui serait peut-être d'inspiration quelconque. Ça aurait été cool d'avoir des citations vraiment intéressantes. Ça va sûrement venir. Probablement pas lui non plus, là, personnellement, qui poste ça, là. Sûrement pas. C'est peut-être son agent de communication, je sais pas, là. Il y a aussi un site internet, le dalailama.com. L'ouverture de son compte intervient un an après que Twitter ait suspendu un faux compte créé par un imposteur, d'ailleurs, qui avait attiré des dizaines de milliers de personnes. Et à la suite de cet incident-là, Twitter avait lancé des comptes certifiés avec un petit badge. L'article vient de l'agence France Presse encore. Parlons encore un peu de Facebook avec quelque chose d'assez controversé. Kiwan, tu me diras ce que t'en penses. L'apparition sur le réseau Facebook d'un groupe appelant à prendre les enfants trisomiques comme cible de tir a suscité de vives réactions en Italie, tant du côté des internautes que des politiques. Un groupe appelant à jouer au tir à la cible avec les enfants trisomiques avait dimanche soir dernier, oui, c'est bien ça, sur sa page, 1700 membres, oui. Le site dont la page d'accueil présente la photo d'un bébé atteint de la maladie barrée du mot « idiot » propose une solution facile et amusante pour se débarrasser de ces créatures immondes. Wow. Les utiliser comme cible mobile ou fixe. Ah! La ministre de... Je vais même pas en parler de ça, wow. Ouais. Ouais. Bref, la ministre de l'Égalité des Chances, Mara Carfagna, a dénoncé un acte indigne de la part des personnes civilisées, inacceptable et dangereux, et assuré que les responsables seraient poursuivis. De nombreux groupes, le plus important regroupant plus de 17 000 adhérents, on dirait toujours qu'il y a un zéro de plus dans ma tête, se sont aussitôt créés en réaction à la provocation. Ça dit « Honte à vous, vous êtes ignobles ». L'ignorance des gens n'a pas de limite, a réagi la présidente d'une association de soutien, Manuela Colombo. La police postale cherche qui sont les créateurs du site et à faire en sorte que celui-ci soit fermé. Ce qui n'est pas chose facile, expliquent les experts, car ils citent, le site est domicilié à Palo Alto, en Californie, ce qui nécessite l'ouverture d'une procédure internationale avec l'intervention de la justice. Il est cependant possible de s'adresser à l'hébergeur américain grâce aux accords de coopération pour bloquer les pages. Il révèle que dans des cas similaires par le passé, le réseau social a donné une suite favorable aux demandes italienne. En Italie, ouais, c'est ça. C'est à peu près la fin de l'article ici. Ça, c'est vraiment le côté pervers là, des réseaux sociaux. C'est que ça donne de l'importance et de la visibilité à tout le monde. N'importe qui, tu sais, peut avoir soudainement de l'importance puis diffuser ses idées à un très, très, très grand nombre de personnes. Tu sais, du monde cave là, comme ça. C'est vraiment des idiots qui ont fait ça. Ça en donne une tribune. Il y en a toujours eu, tu sais, puis il va toujours en avoir. C'est juste qu'avant, ben, tu sais, ce monde-là, personne les écoutait puis ils étaient dans leur taverne ou dans leur cave ou ouais. Je sais pas trop où ce genre de personnes-là se tiennent. Mais aujourd'hui, ça leur donne la visibilité, ça leur donne une tribune. Puis après ça, on en parle. Ben, nous autres, on en parle. On est aussi payés que tout le monde. Ben, c'est ça. C'est une nouvelle qui va porter peut-être à penser et à sensibiliser les gens qu'un groupe contre, peu importe même si c'est à valeur vraiment, tu sais, humoristique, je sais pas c'est quoi, les gens trouvent ça drôle, genre les groupes contre les roues, là, ou peu importe, là. Mais quand même, pensez-y un peu, puis tu sais, ça affecte vraiment des vraies personnes, tu sais. Fait que, faux gueule, genre. Bon. C'est la morale. Une meilleure nouvelle, selon moi, aux côtés des jeux Guitar Hero et Rock Band, le nouveau jeu Chime, sorti aux États-Unis récemment, connaît un succès foudroyant, avec environ une vente par minute sur Xbox Live. Ce qu'il y a de particulier, selon l'article sur Relax News, c'est qu'une partie des bénéfices vont être reversés à des associations d'aide à l'enfance ou à l'enfant. Chime, c'est le premier jeu édité par One Big Game, le premier éditeur de jeux vidéo à but non lucratif. J'adore ça. Environ 60% de l'argent généré par les téléchargements reviennent aux organisations Save the Children et Starlight Children's Foundation. One Big Game a été créé par le développeur de jeux vidéo Martin de Ronda, qui a été marqué par un documentaire sur Live Aid, la mobilisation de l'industrie musicale contre la faim en Afrique dans les années 80. Ciaran Walsh, directeur audio de l'éditeur de jeux vidéo britannique Zoe Mode, a développé l'idée d'un puzzle musical pour permettre de remixer des morceaux. Chime consiste à assembler des blocs dans une grille pour la remplir, un peu comme un puzzle musical. Les blocs provoquent différents sons aigus et graves, et plus on avance dans l'assemblage du puzzle, plus la musique ressemble à quelque chose, ce qui permet d'élaborer sa propre version d'un morceau comme, disons, Oh Yeah de Moby. D'ailleurs, des musiciens assez mondialement reconnus, comme Philip Glass, Paul Hartnell de Orbital et Fred Deakin de Lemon Jelly ont donné leurs morceaux pour la bonne cause. One Big Game a une quinzaine d'autres jeux en développement présentement, et le jeu, pour ceux que ça intéresse, Chime, est disponible sur Xbox Live Arcade pour la console Xbox 360. On a mis idée. Hein. Très bien. Finalement, il en reste beaucoup les nouvelles, mais on va devoir couper à quelque part. Je vais te demander de choisir entre quelques articles dans quelques instants. Mais avant ça, la grosse nouvelle de la semaine, selon l'agence France Presse, le fabricant informatique américain Apple a commencé à supprimer des applications à risque, y compris des applications à contenu érotique de son magasin en ligne Apple Store pour téléphone iPhone et lecteur MP3 iPod Touch, selon le Wall Street Journal et TechCrunch, entre autres. Sans confirmer ou infirmer ces informations, une porte-parole d'Apple a déclaré à l'agence France Presse qu'à chaque fois qu'Apple reçoit des plaintes de clients sur un contenu contestable, nous les examinons. Si nous estimons que ces applications présentent des contenus qui ne sont pas décents, nous les supprimons et demandons aux programmeurs de procéder aux changements requis pour pouvoir être distribués par Apple. Et là, on remarque que dans les deux dernières nouvelles, il y avait le mot assemblage et le mot requis. Ce signe... En fait. Le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier, affirme que Apple a commencé à mettre en œuvre une politique plus stricte concernant des applications à contenu érotique, même si elles avaient été auparavant reçues, elles avaient auparavant reçu l'approbation de l'entreprise pour être vendues à travers le App Store. Le blog technologique TechCrunch et le quotidien financier soulignent que la nouvelle politique d'Apple s'est traduite, entre autres, par la suppression d'une application figurant le texte est tellement mal écrit, figurant des photos animées de mannequins en bikini et d'une autre pour les aficionados d'une actrice de film érotique. TechCrunch note qu'Apple a commencé à prévenir au début de la semaine les programmeurs que les applications avec un contenu explicitement sexuel allaient être enlevées. Et le Wall Street Journal estime que cette démarche-là va dans le sens d'efforts par Apple pour s'assurer que ces applications conviennent à un jeune public, alors que le fabricant compte sur l'App Store qui recense 140 000 applications pour aider à la commercialisation de sa nouvelle tablette électronique, l'iPad aux écoles et aux familles. Apple qui doit commencer à livrer à la fin du mois de mars les premiers modèles de l'iPad. Voilà, donc je vais choisir entre tes dernières nouvelles. T'as le choix entre... celle-là est un peu longue. L'usage d'Internet rend-il plus intelligent ou plus stupide? Des étudiants américains épiés chez eux ou encore la PlayStation 3 et la 3D dès cet été? Ben, je voudrais savoir si l'usage d'Internet nous rend plus ou moins intelligents. Deux faits sont dignes de mention dans le rapport The Future of the Internet 4 publié par la firme Pew. Les trois quarts des 900 experts interrogés affirment que l'Internet contribue à augmenter l'intelligence humaine et les deux tiers qui améliorent nos capacités à lire, écrire et à accéder aux informations. Donc, néanmoins, certains experts mettent un bémol à cette annonce en critiquant certains outils virtuels tels que Google ou Wikipédia en raison d'une perte de savoir-faire, oui, chez les internautes. Par exemple, Marcel Boulinga, l'un des experts interrogés, indique que, et je cite, « Google nous a rendus stupides et intelligents en même temps ». Donc, pas vraiment de réponse à la question ici. Dans le futur, nous délèguerons les tâches simples et complexes à des machines intelligentes. De ce fait, nous perdrons les connaissances dont nous avions besoin pour accomplir d'anciennes tâches. Nous gagnerons l'habileté d'effectuer de meilleurs choix. À la longue, les gains dépasseront les pertes, dit-il. C'est dans ce contexte que les experts présentent une opinion contrastée sur les effets de l'usage d'Internet sur ses utilisateurs. Certains estiment, oui, que Google contribue à rendre les internautes paresseux et diminue leur capacité de concentration, tandis que d'autres soutiennent qu'il rend au contraire plus créatif et informé. Toujours est-il que plusieurs experts ont profité de l'occasion pour dénoncer la trop grande popularité du style d'écriture simplifié, employé lors du clavardage ou dans la rédaction des mini-messages, les LOL, les MDR ou peu importe. Et je cite, « Le respect du vocabulaire et de la grammaire s'est grandement détérioré. » De notre côté, la possibilité qu'offre Internet de joindre du contenu multimédia, photos, vidéos et hyperliens augmente la valeur et l'efficacité des messages, ce qui permet de communiquer de façon non linéaire, soutient Rebecca McKinnon de l'Université de Princeton, et elle ajoute ça ajoute des couches de signification supplémentaires aux messages. Bon. La firme Pew s'est appuyée sur les réponses de plus de 900, encore une fois, toujours trop de zéro dans ma tête, de plus de 900 experts d'Internet, qu'ils soient développeurs, chefs d'entreprise, universitaires, scientifiques, etc., pour étoffer son rapport The Future of the Internet 4. Si vous voulez retrouver les articles dont j'ai parlé dans la chronique CNX, c'est sur assemblagerequis.com qu'il faut aller. Donc bref, on ne saura pas vraiment. Le débat est lancé, mais c'est loin d'être réglé. C'est jamais réglé. Tellement d'argent pour des études qui veulent tellement pas dire grand-chose. C'était la chronique de mardi, le fil. Vous êtes à CNX.ca pour on compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis, diffusées ici à C'est fou du lundi au jeudi, entre 15h et 17h. Il nous reste la chronique de jeu de mercredi d'hier. On est en direct aujourd'hui, jeudi, faut le dire une fois de temps en temps quand on est en direct dans cette émission-là. Hein. Donc, hier, c'était nos amis les robots. Ça s'en vient dans quelques minutes à peine. Mais avant ça, un petit article dont j'ai parlé dans le fil et que j'ai pas lu dans la chronique et que ça me tente de vous en parler maintenant parce que je trouve ça intriguant. Un élève américain accuse un conseil scolaire de la banlieue de Philadelphie d'avoir utilisé les web caméras fournies aux étudiants pour les épier à leur insu. Les avocats des deux parties sont attendus en cours lundi prochain. Les responsables du conseil scolaire Lower Merion ont confirmé la semaine dernière qu'ils avaient activé à distance et à l'insu des étudiants les web caméras pour tenter de retrouver 42 ordinateurs portables volés ou manquants. Différents corps policiers, dont le FBI, font enquête pour tenter de déterminer si le conseil scolaire a enfreint la loi. Le plaignant dans cette affaire, l'étudiant Blake Robbins, affirme que les dirigeants de l'école secondaire Harrington ont pris une photo de lui à son insu avec la web caméra. Il prétend avoir découvert le poteau rose quand la directrice adjointe l'a convoqué pour l'informer que l'école savait qu'il avait eu un comportement inadéquat chez lui, à la maison, imaginez. C'est fou, raide. Les dirigeants du conseil scolaire affirment qu'ils ont depuis mis fin à cette pratique. Les étudiants ont quand même pris l'habitude de recouvrir de rubans les web caméras et les micros de leur portable. L'avocat de la famille Robbins demande au tribunal d'interdire au conseil scolaire de détruire quelque information que ce soit concernant les portables confiés aux 2300 étudiants de ces deux écoles secondaires. Comme dit le commentaire de Montreal Corp, Big Brother s'en vient à grands pas. Moi, je rajouterais pas juste à V. Ah, c'est incroyable des affaires comme ça, ça arrive de nos jours. On est rendu là, que voulez-vous? Maintenant, tiens, parlons des nouveautés en magasin et ailleurs, entre autres sur Amazon.ca, pour la semaine du 22 février. Allons-y par console, tiens. Sur PlayStation 3, il y a Heavy Rain de Sony Computer Entertainment et Mafia 2 de 2K Play. Les deux sont sur PlayStation 3, c'est ce que j'ai dit. Sur Xbox 360, une seule nouvelle sortie, c'est Mafia 2, encore une fois, par 2K Play. Si on passe à la Nintendo Wii, maintenant, on trouve Endless Ocean Blue World de Nintendo. Ensuite, sur la console, en fait, sur PC, oui, version PC de Mafia 2, Sur Nintendo DS, deux sorties, Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship Tournament 2010 Reverse of Acadia. Wow! Ça prend combien de lignes sur une boîte de cassettes, ça? C'est un jeu de Konami. Et finalement, Crime Scene par South Peak. C'est aussi sur Nintendo DS. Et on termine par la Sony PlayStation Portable, qui, elle, n'a aucune nouvelle sortie. Donc, dommage pour la PSP, que voulez-vous? Ça, ce sont les nouveautés en magasin et sur Internet. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com si vous avez... sauter par-dessus quelque chose ou que vous voulez vous renseigner un petit peu sur les nouvelles sorties des prochaines semaines ou des semaines passées. Voilà, comme je disais tantôt, il va y avoir la chronique de mercredi, nos amis les robots, dans quelques minutes. Mais avant ça, on retourne en chiptune. On va entendre l'artiste Swampy Boy et la pièce Samson and Delilah. C'est présentement sur le palmarès de 8bitcollective.com et c'est à cnx.zip au 89 FM. C'est fou. We'll be right back. www.dash.dash.dash.com. C'est fou, Don. Mon char. 89.1 CLX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Dash.com. Bonjour, vous êtes toujours à CLX.zip, c'est toujours l'émission la plus geek de la radio et je m'appelle toujours Mathieu Plante. C'est évidemment aussi l'émission qui compresse les chroniques technologiques d'assemblage requis pour ceux qui n'auraient pas encore deviné. C'est du lundi au jeudi entre 15h et 17h avec moi et Kiwan. Oui, Kiwan. On a encore un petit peu de temps, légèrement de temps, avant de passer à la prochaine chronique. Donc, on peut s'écouter encore un peu de chiptune et on va l'entendre l'artiste Local Drugstore. Voici Lolita Can Kill You, 89 FM. C'est fou! L'artiste s'appelle Local Drugstore ou Dimas Theodora, son vrai nom. La pièce est Lolita Can Kill You. Et c'est la quatrième pièce la plus aimée sur 8bitcollective.com, qui est une communauté où les gens postent des chansons chiptune, la musique inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et c'est là une thème très très bonne, ma foi. Vous êtes toujours à CNX.zip où on compresse les chroniques technologiques d'assemblage requis. Il nous en reste une. Voici celle d'hier, mercredi. Nos amis les robots. Mercredi. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, la chronique la plus geek de la radio, on parle de robots. Donc, nos amis les robots, hein, eux qui seront nos futurs maîtres sur cette terre un jour.

ceux qui utilisent Yahoo Québec, là, c'est-à-dire pas grand monde, mais quand même top 10. Angelina Jolie est en 10e, ensuite Annie Villeneuve, hein, Assassinat Dubaï en 8e, Charlie Sheen en 7e, Joanie Rochette en 6e. Ensuite, 5e position, État des routes, puis Agnès Jaoui. En 3e, Chatroulette. En 2e, Helena Bonham Carter. Et en 1ère, c'est Médaille Jeux Olympiques. Ça, c'est les mots-clés les plus recherchés sur Yahoo Québec. Maintenant, côté jeux vidéo, les plus loués dans les clubs vidéo la semaine passée. En 5e, on retrouve Army of Two, The 40th Day sur Xbox 360. En 4e, c'est Dante's Inferno sur PS3. En 3e, Bioshock 2 sur Xbox 360. En 2e, Dante's Inferno sur Xbox 360. Et en 1ère, le jeu le plus loué dans les clubs vidéo était New Super Mario Bros. Wii sur, évidemment, la Nintendo Wii. Côté logiciel maintenant pour la semaine dernière selon download.com sur Windows. En 5e, c'est Advanced System Care Free. En 4e, Avira Antivir Personal Free Antivirus. En 3e, Adaware Free Anti-Malware. En 2e, Avast Free Antivirus. Et en 1ère, AVG Antivirus Free Edition. Donc, si on regarde, c'est pas mal que des antivirus et des anti-spyware jusqu'en de la 1ère à la 5e. Sinon, le reste, il y a des downloaders YouTube, WinRAR, LimeWire, des trucs comme ça, Virtual DJ qui a l'air intéressant en 15e position. Bref, c'est selon download.com. Voilà pour ça, côté palmarès. Maintenant, on va retourner en musique et on a le temps encore un peu. On va écouter une pièce de Format, un beau petit jam. Jam, une belle confiture. Non. Voici My Beautiful Empty Heart à CNX.zip. Un jam confiture. Non? Non. Format et My Beautiful Empty Heart à CNX.zip. Et c'est pas mal comme ça que se termine l'émission de cette semaine. Le dîner qu'on s'en vient à partir de 11h avec André et Dany. Moi, je vais vous retrouver à partir de 13h avec Les Palmarès C'est Fou, édition francophone, suivie d'Assemblage Requis à 15h. Sinon, ben, CNX.zip, ça revient la semaine prochaine, toujours jeudi à 10h. Les chroniques seront dans Assemblage Requis, là. Allez sur assemblagerequis.com pour retrouver les liens d'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion. On se quitte avec une collaboration entre Super Spink et Rodo 4. Ça s'appelle Rodo 4 vs Super Spink Collaboration. Hein. C'est un beau titre, ma foi. C'est une autre pièce qui est sur le palmarès de 8-Bit Collective. À très bientôt. Bye bye. Cash.com. Super Spin Time.